peux plus voir dans le métro. Les bicots mangent pas beau. Mandigo. Oh, mandigo. Mandigo. Je peux plus voir leur gueule de bicots. Et je me fous de ce que vous allez penser de moi. Je peux pas saquer ces mandigos qui veulent m'obliger à sortir mon fric de ma poche. Mandigo. Mandigo, vous êtes pas bon, vous puez, vous êtes des bigots. Bigots, bigots, bigots. Je voudrais qu'on les tue. Et je voudrais qu'on ramasse leurs cadavres avant que je passe. Je ne veux plus les voir, c'est mandigo, mandigo, bigo pas bon. Mandigo, tuez-les, poussez-les. Poussez-les dans les escaliers. Les vieux clodo. Bigo, bigo, mandigo. Clodo pas bon. Je me fous de ce que vous allez penser. Je veux pas les saquer. Ils veulent m'obliger à sortir mon pognon de ma poche. Ah, mandigo, mandigo. Bigo pas bon. Crevez, poussez-les. Personne ne dira rien. Ils ont plus de famille, ce ne sont que des bico, bico, mandigo, mandigo. Mangeons pas bon et foutra dans la poubelle. À la poubelle, à la poubelle. Donnez-les à manger au cochon. Jetez-les au cochon. Je vais m'amuser avec les bico, mandigo. Comme les hannetons, j'arracherai leurs pattes. Et ils pressentaient dans ma main comme des mouches sans ailes. Ah, bico, bico, mandigo, pardon. Vous êtes que des mouches sans ailes. Vous m'ennuyez mon pognon, ça m'énerve. Ça m'ennuie. Poussez-les, poussez-les dans les escaliers. Les vieux bico, bico, bico. Mouche sans ailes, laissez-les crever, laissez-les souffrir, tournez sur le dos, dans les escaliers, bico, bico, mouche, mouche sans ailes, laissez-les souffrir, laissez-les crier, n'ayez pas pitié, laissez-les crever, bico, bico, bico, mouche, bobo, mouche sans ailes, si vous les écrasez, ça pue, si vous les écrasez, ça pue, et vous allez ramener de la crotte de bico sur la moquette de votre salon, alors laissez-les crever, mouche sans ailes, laissez-les se tordre, laissez-les hurler dans les escaliers, n'ayez pas pitié, passez, passez, ricanez, poussez-les du bout du pied, mais ne les écrasez pas, ça va puer, ça va puer, vous aurez de la crotte de bico, bico, pas bon morceau, mouche sans ailes, bico, mouche sans ailes, mouche sans ailes, mouche sans ailes, au bout du pied, et c'est dur à enlever, c'est dur à enlever, c'est dur à enlever. Bico, mouche, pas bon, mouche sans ailes, laissez-les crever. N'y touche pas, ne les écrase pas, ça va puer, laissez-les crever dans les escaliers. Bico mange pas bon, mouche sans ailes, laissez-les crever, n'y touche pas. Si vous les écrasez, ça va puer. N'y touchez pas. Laissez-les crever dans les escaliers. Mouche sans ailes, mouche sans ailes, mouche sans ailes.